Chapitre 4e, en plein océan. Quand son patience se réveilla, il se sentit glacé. Il faisait jour et le soleil commençait à surgir du liquide horizon comme un globe de feu. Un vent froid venait de se lever, mais le ciel était toujours bleu. Et sans patience vit devant lui l'ingénieur accroupi sur l'avant, près du moteur, entouré d'outils de toutes sortes. « Bonjour !» lui cria celui-ci gaiement. « Bonjour !» répondit sans patience sur le même ton, et il ajouta « Vous êtes gai. J'en conclus que la panne n'est pas sérieuse. Rien de plus bête, mon cher, simplement un fil d'allumage coupé. » Et l'ingénieur, se relevant, ramassa ses outils. « Alors, nous allons repartir. Sans doute, nous avons déjà perdu trop de temps. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis transi. J'ai hâte de voir mon moteur fonctionner pour pouvoir réchauffer mes pauvres pieds. » De fait, le thermomètre marquait 7 degrés au-dessous de zéro. Pendant que sans patience se levait et esquissait deux ou trois petits pas sur l'étroit espace pour secouer son engourdissement, l'ingénieur s'installait au volant. « Êtes-vous sûr que nous allons pouvoir nous envoler ?» lui demanda son compagnon. « Pourquoi ne le pourrions-nous pas ?»« Dame, le contact de l'eau a dû alourdir nos flotteurs. Et puis il va y avoir à vaincre l'adhérence des molécules liquides. » L'ingénieur sourit. « Vous allez voir !» se contenta-t-il de dire. Il mit le contact. Et ce fut avec joie que sans patience entendit de nouveau le bruit du moteur, qui lui sembla la plus délicieuse des musiques. L'hélice s'ébranla d'abord lentement, puis de plus en plus vite, et l'appareil glissa sur l'eau avec une rapidité toujours accrue. Et brusquement, ce fut l'envolée vers le ciel, l'avant relevé, les grandes ailes frémissantes étendues dans la froide mais belle aurore. L'ingénieur atteignit ainsi 100 mètres de haut, puis au grand étonnement de son compagnon, il décrivit environ un quart de cercle. « Comment vous retournez ?» s'écria sans patience. « C'est que vous n'avez pas remarqué que nous avons dérivé pendant la nuit. Regardez plutôt la boussole. » Et l'ingénieur expliqua que la veille, l'aéroplane avait dû se poser sur la plus petite des branches du Gulf Stream, dite branche de Rennell, et qu'il en était certainement résulté une dérive de 30 ou 40 kilomètres à l'est. « Vous voyez, » conclut-il, « qu'il faut s'attendre à tout dans une randonnée comme celle-là. » On déjeuna de bon appétit. Reposés par une nuit de sommeil, réconfortés par le repas, les pieds de nouveau au chaud, grâce à la chaufferette copieusement approvisionnée en calories par le moteur, les deux amis et surtout sans patience, en vinrent à envisager de nouveau leur voyage avec confiance. « Tout de même, » remarqua l'ingénieur, « je crains d'avoir été imprudent, en n'emportant pas les instruments nécessaires pour faire le point. J'ai cru la boussole suffisante, en quoi j'ai eu tort. Je n'avais pas prévu, en cas de descente sur l'eau, la possibilité d'une dérive. Ce qui vient de nous arriver est, il est vrai, sans importance, car à cet endroit, la branche de Rennell suit une direction presque parallèle à la nôtre. Mais supposez qu'une autre panne nous arrive à 1000 kilomètres d'ici, dans les environs du 40e degré de longitude, et nous sommes véhiculés par la source même du Gulf Stream, en courant la chance d'être rejetés soit vers le nord-est, soit vers le sud, et dans tous les cas, hors d'état de pouvoir savoir où nous sommes. « Bah, » dit sans patience, « le moteur, si j'ose dire, ronfle comme un ange. Nous n'aurons pas d'anicroche. L'essentiel, c'est que vous soyez présentement sûr que notre direction reste bonne. Oh, quant à cela, j'en suis certain. Quand la panne nous est arrivée, nous avions progressé de 800 à 900 kilomètres vers l'ouest, car sud-est. Nous sommes tombés en plein dans le courant de Rennell, j'en jurerai. Donc, nous n'avons pas dévié de notre route. Encore un renseignement. Vous ne pouvez donc évaluer qu'approximativement le trajet parcouru? Oui, vous allez comprendre pourquoi. Nous n'avons pour cela que l'instrument que vous voyez là, et qui inscrit automatiquement le nombre de tours d'hélice. Si nous voulions par temps calme, nous pourrions dire avec certitude que ce nombre de tours correspond à un rendement de tant de kilomètres. Mais ce rendement croît quand on a le vent arrière et diminue au contraire quand on a le vent debout. Il ne peut donc être évalué qu'approximativement. Pour l'instant, comme le vent qui règne est le même que celui d'hier, je me base pour évaluer le trajet parcouru sur le rendement de notre appareil quand nous avons été des tempes à Quimper, distance facilement contrôlable. La matinée se passa sans incident. On ne rencontra qu'un grand vapeur dont sans patience ne put distinguer le pavillon et qui lui aussi faisait route vers l'ouest, mais plus au sud que l'aéroplane. Ce qui fit dire au ver du noix, « Est-ce que nous avons déraillé ? Pourquoi ? répondit l'ingénieur. Tous les navires qui traversent l'Atlantique ne vont pas forcément à New York. Celui-ci est un bateau de commerce qui se rend sans doute aux Antilles ou à Panama. À midi, l'ingénieur estima près de 1 600 km la distance parcourue. Il leur restait donc un peu plus de 900 lieues à faire. « Une misère !» plaisanta sans patience. « Ce n'est pas la peine d'en parler. » Dans l'après-midi, ils rencontrèrent encore plusieurs navires, dont un grand paquebot battant pavillon anglais qui suivait une direction presque parallèle à la leur. L'ingénieur pensa que ce devait être un de ces transatlantiques géants, grand comme des villes et capable de contenir 4 000 ou 5 000 passagers. L'Olympique ou le Lusitania, frère aîné de l'infortuné Titanic, qui avait trouvé l'année d'avant une fin si tragique à 1 000 km de là. « Allons, conclut-il, si nous arrivons intacts, ce qu'il faut espérer, notre randonnée aérienne aura eu des témoins et des contrôleurs. » Le temps se maintenait au beau. Toutefois, le vent fraîchissait, car sous leurs pieds la houle se faisait plus forte et de petits nuages blancs couraient rapidement dans le ciel. Le thermomètre marquait encore 4 degrés au-dessous de zéro. L'ingénieur regardait souvent au-dessous et au-dessus de lui, mais il ne dit rien. Grâce à leur fourrure et à leur chaufferette, les voyageurs ne souffraient pas du tout du froid. Vers 5 h 30, le soleil atteignit l'horizon devant eux et disparut lentement au milieu d'un immense rougeoiement. Une heure plus tard, c'était de nouveau l'obscurité inquiétante à laquelle les hardis voyageurs s'accoutumèrent toutefois plus rapidement que la veille. La lampe à réflecteur avait été allumée, une dizaine de bidons d'essence vidés dans le réservoir, et en proie, malgré eux, à l'indéfinissable angoisse de la nuit et de l'immensité, les deux aviateurs poursuivirent leur voyage dans le noir, ne voyant rien que de rares étoiles et n'entendant d'autres bruits que le ronronnement du moteur rythmé par le sourd murmure de l'océan.